Yosef, je aime. Je aime. Je aime. En femme, staff, family, génération montante. Génération montante. Génération montante. Oh, c'est pas une PME, c'est une grosse entreprise. Cri. Dealer. Eh, eh. En femme, staff, family, ISF pour initial, une bande de camarades qui s'unissent pour remplir des salles crues. À l'initiative du projet, réunissant les troupes et le seul mot d'ordre fut posé. Rapidement, les binômes se formèrent, la relève, l'élite, les PM du haut choc. Tu te souviens des tampons furent en état de choc. Premier scud, les préliminaires, 3000 exemplaires et sans promo. On fait le buzz dans vos ghettos, ouais. Mieux servi que par nous-mêmes, des brouillards distrib. On arpente les rues de ta ville avec un but fixe. Vente à perte interdite, le t-shirt 20 pièces. 80 au septembre, l'hymne de l'Odesse. Dans chaque team faut un leader, on l'a désigné. Rain et punchline solide, si tu veux signer. Oui. À chaque track sa plus classique. On prépare la mixtape tellement le rap nous paraît facile. Deux piges plus tard, un femme star featuring personne. Comme son nom l'indique, pour poser on a besoin de personne. Si ce n'est du 75 shit, bien elle, Corbeil, CVC, Tarteret, mon conseil, Nacelle, Brett. On s'amuse sur des fast de Mob Deep, Wu-Tang, cru, le même pilote dans le cockpit. Ouais, on manie la langue de Poclin, Jean-Baptiste. Ouais, je serais surpris de nos disques d'or, je dirais qu'ils tombent à pic. Perso, je répare mon projet solo. Si le rap était un acte sexuel, mon skunk serait la sodo. Narcissique, ouais, gueuler tous en cœur. Rain, je prends la place du number one, je me fais en queue. Rain, chez nous, ça parle pas trop, ça agit surtout. Floqué sur le textile, on prend du grade et du gab. Génération montante, ce n'est pas des blagues. Les projets prennent forme et se concrétisent. Les crois pas tous petits, je n'ai pas eu besoin de brandir un prolique pour être crédible. La tête sur les épaules, jamais les bras ballants. Je ne prends jamais de haut malgré mon trop de talent. Blague brute, blague brute, retiens le blaze, retiens le blaze. Bestial, bestial, philosophe de l'ombre. Oh. Cru, on attend l'acte, on attend l'acte. YSF, GM, ce n'est pas une PME mais une grosse entreprise. YSF Business, Sheikh Ahmed, ramène des sables de New York, que je roule des mécaniques dans mes clips. YSF Business, ok. YSF, GM, il y a plus qu'un label, une façon d'être, une façon de penser. Ouais, ouais, c'est brut, t'as bien résumé le truc, mon frère. C'est ça, YSF, GM. C'est le label et l'association en même temps. C'est Corbeil, BAL, Brett, Guyancourt, Paname et attends, l'Afrique de l'Ouest, Centrale et les Antilles aussi. Le Maghreb, Harlem, une petite partie de l'Asie. YSF, c'est comme AVS, Sahlel et RAS. On est fort comme au collège, à l'EPS. ISF signifie aussi impressionnant sans forcer. 115 kills, je suis même pas à 15%. Je passe qu'à 20 quand ça commence à se corser. Un mélange d'un peu de tout, mon frère. Il y a du rap, il y a de la sable. Il y a des choses qu'on peut pas dire aussi. Louange à Allah, il y a beaucoup de PD. Moi, je fais partie de ceux à qui il a rajouté le G. Je suis pas un beau gosse, mais Alish. Encore là, je dirais juste qu'il m'a retiré le G. Je suis un boss, comme Rosé, sauf que moi je sens le muscle. Je fuck le hellouf, les baisers louf. Moi je n'ai que du muscle. ISF, ISF, repeat after me. Avoue que tu trouves ma génération montante, y'a que les pétasses qui nient. ISF, je le paye et j'arrête le rap petit. L'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. ISF, clic. Génération montante de Corbeil.